Nouveau répertoire dramatique, une émission de Lucien Atoun. Onisos le furieux de Laurent Godet, texte dit par Hubert Ginoux, musique originale Yves Dormoy. Besoin de prétexte pour venir t'asseoir à côté de moi. Ces sièges sont publics et personne ne peut prétendre avoir réservé cette place que tu convoites. Assieds-toi. Tu te demandes ce que je fais ici, sur le quai de ce métro à New York. Les rames passent et je ne monte dans aucune. Toutes les 4 ou 5 minutes, des centaines de personnes descendent de ces wagons et je n'en réelle aucune. Je ne cherche personne des yeux et tu le sais. Puisque tu me regardes depuis longtemps. Mon visage est noir, je suis sale et ridé. Mes lèvres sont sèches. Si sèches que si je riais tout d'un coup aux éclats, elles se fissureraient. Et du sang probablement en jaillirait. Tu te demandes ce que j'attends, ce que je suis. Laisse-moi à mon tour regarder de près, en prenant tout mon temps. Ce que peut être le visage d'un homme, aujourd'hui. Laisse-moi te contempler, et je vois si l'homme a changé. Il n'y a plus trace de boue, et tu es pâle. Si pâle que je penserais pouvoir enfoncer mon doigt dans ta joue et en percer la surface. Est-ce que cette lumière électrique ne tanne pas la peau comme le soleil? Maintenant tu t'inquiètes. Et tu te demandes ce que je peux bien vouloir. Ne me regarde pas ainsi. Tu voudrais poser une question, peut-être plusieurs, mais tu ne peux pas. Est-ce que mon visage et ma voix te font peur? La vieillesse de ma peau te répugne-t-elle? Ne t'inquiète pas, je rajeunirai. Laisse passer tous ces gens, laisse. Aucun ne fait attention à nous. Tu te demandes ce que je suis et pourquoi cette voix que tu écoutes depuis quelques minutes et qui au premier abord était rêche et cassée te charme maintenant d'une douceur que tu ne t'expliques pas. Ne t'inquiète pas, camarade, je vais tout te raconter. Je vais tout te raconter, camarade. Et écoute bien, car sous ce faisceau de lumière bleutée, tu vas entendre l'histoire d'Onisos le furieux. Et oublie ces grappes d'hommes et de femmes qui se déversent sur le quai. Ces hordes de noyés, nous ne nous dérangerons pas. Onisos va parler. Ne vois-tu pas déjà comme j'ai rajeuni? Et combien mon visage compte moins de rides? Je sens mon corps qui se réchauffe. Mes muscles sont plus fermes. Je pourrais me dénuder. Et tu verrais que mon corps n'est plus celui d'un vieillard. Je pourrais presque déjà te terrasser à la lutte. Mais laisse-moi d'abord te parler. Et ne m'interromps pas si mes mots viennent lentement. Car je n'ai pas parlé depuis si longtemps que mes lèvres sont ankylosées de ces milliers d'années de silence. Il m'est difficile de me souvenir de ma terre natale, parce que nous sommes ici dans une ville de lumière où les trottoirs bitumés sont jonchés d'ordures, de canettes de bière et de papier sale, où les hommes se pressent par milliers, où les voitures du matin au soir rugissent pare-choc contre pare-choc dans des crissements de pneus impuissants. Alors que là-bas, il n'y avait qu'une poignée d'hommes et de femmes. Il m'est difficile de me souvenir de ce village parce que le temps a passé. J'ai fait un somme de plusieurs siècles, un clignement de paupières à peine, et New York est né. Tous ces grands tournesols de verre sont sortis de terre et ils ont plongé mon village au fin fond de l'histoire. Je suis né à Tepesarab. Tepesarab, camarade, où les hommes vivent dans des huttes de terre séchée pas plus hautes qu'un cheval. Je suis né en pleine nuit, et les hommes du village ont dû allumer des torches pour aller voir la tête de ce petit bout de viande rouge que Ino avait expulsé hors d'elle en haletant. Je me souviens de ma viscosité mêlée à sa sueur. Je me souviens. Ma mémoire remonte aussi loin, et je peux encore parler des petites maisons de Tepesarab enfouies dans les aspérités des monts Zagros. Je suis celui qui n'est pas né d'une femme. Certes, Ino m'a tenu dans son ventre et Ino a poussé pour que je sorte d'entre ses cuisses. Mais mon père est le maître des dieux. Et il n'était pas besoin d'une femme pour que je sois projeté dans la poussière des monts Zagros. Tepesarab, un petit village entouré de mulets et de corbeaux. Quelques chèvres bondissent de rocher en rocher et montent sur des appics inaccessibles aux hommes. Parfois, une d'elles se tord la patte et roule dans le ravin, chute d'aigle dans une frayeur ovine. On la retrouve déchirée par les rochers plusieurs semaines après. Cela pue la mort et fait tourner les corbeaux. Parfois, une guerre éclate. 4 ou 5 hommes s'arment de pierres et de fourches et vont détruire les cahutes du village le plus près. On appelle ça une guerre. Ino, dans une dernière contraction fiévreuse, m'a expulsé sous les étoiles des monts Zagros. Il y a eu une grande fête, en pleine nuit. À Tepesarab, on a fait un bûcher. Les hommes jouent de la musique et les femmes dansent. Ino et Atama sont ivres. La jeune mère s'est remise. La sueur des contractions a vite séché. C'était il y a 2 heures à peine, mais elle n'y pense déjà plus. Elle veut jouir et danser, et Atamas, le père de chair, veut boire et hurler. Le grand feu au milieu du village illumine les faces d'une lueur de démence. Le rythme des tambours se mêle aux cris des femmes. Je vois des corps se cabrer et frémir. Je vois des femmes hurler de plaisir et des hommes se rouler dans la poussière. Et la poussière leur colle à la peau tant ils ont sué. Un groupe d'hommes est là qui ne danse pas. Personne ne sait d'où ils sont venus. On ne les connaît pas ici. Mais ceux de Tepesarab sont trop saouls pour s'inquiéter de cette présence incongrue en pleine nuit au fin fond des monts Zagros. Ils ne dansent pas ni ne boivent. Ils ne parlent à personne. Et aucun d'eux même n'a regardé ces corps de femmes ondulés de désir. Peut-être ne sont-ils pas hommes, et ces charmes, ces envoûtements musqués ne les touchent-ils pas? Ils regardent le nouveau-né. Je les vois à quelques pas de moi. Un d'eux se lève et vient me tendre un hochet de bois. Je dois rire dans mes langes. Personne ne voit qu'un homme s'est levé et parle au nouveau-né. On danse. Ils m'entourent maintenant, ils sont peut-être 5 ou 6, je ne sais pas. Ils m'entourent et je comprends dans mon infinie petitesse qu'ils ne sont pas de Tepesarab, qu'ils ne sont pas ici pour danser et boire, et que même peut-être ce ne sont pas des hommes. Un d'eux a sorti un couteau de berger. Je le vois se pencher sur moi. Et je sens la lame ouvrir ma gorge. Mais ce n'est pas fini. Il rit maintenant, ils m'ont tué. Sur les langes qu'Ino avait gentiment disposées autour de mon petit corps, de grandes taches de sang dessinent une violente mappe monde. Je n'ai pas crié, mais ils ont bien fait de commencer par m'égorger. Car si j'avais pu par la suite pousser des hurlements de douleur, j'aurais couvert le vacarme des tambours et fait courir le long des échines des femmes de longs tremblements de stupeur. Je sens encore leurs mains saisir les membres de mon corps. Je ne suis pas plus grand qu'un lapin, mais je ne sais pas courir. Ils me saisissent et tirent chacune de mes extrémités. La chair se déchire et les os craquent, une jambe, un bras, une jambe, un bras. Je suis un petit bout de chair démembré et sanguinolent. Mes membres de nourrisson gisent à quelques mètres de mon tronc, dans l'herbe sèche des monts Zagros. Mais ce n'est pas fini. Les hommes qui n'étaient pas de Tepesarab n'avaient pas dansé, ni mangé, ni bu, et ils voulaient, le travail accompli, faire la fête à leur tour. Alors ils ont rassemblé chacun des morceaux de chair et les ont fait bouillir dans un chaudron de cuivre. Ils les ont laissés mijoter et ils ont avalé en riant le ragoût de nouveau-né. Égorgés, déchirés et démembrés, le petit Onisos est né. Mais les imbéciles ont oublié le cœur. Et à partir du cœur, mon père, parce qu'il est le maître des dieux, parce que lui a entendu les cris que je n'ai pas poussés, de ses mains d'argile, m'a fait naître à nouveau. Je ne dors pas la nuit. Si je ferme les yeux, les étoiles de la nuit de Tepesarab et les tambours syncopés ressurgissent. Et mes bras, mes jambes, mes articulations et mes muscles me tiraillent et se déchirent à nouveau. Je ne dors pas la nuit parce que je ne me suis pas encore vengé des hommes. J'ai quitté à jamais Tepesarab. Je suis nu et je vis comme un fauve, loin des hommes que je crains, dans l'ombre oppressante de ces montagnes agrosses. La nuit est ma fureur. Je suis le loup, le lion, l'ours et le chacal. Je m'essaie à chaque rugissement. Des griffes me poussent au bout des doigts. Mes cheveux sont en bataille. J'apprends à courir pour que plus jamais aucun homme ne puisse me saisir. J'apprends à courir la nuit entre Hamadan et Tepeguyan et mes chevilles ne se tordent jamais dans aucune des anfractuosités de la roche. Je vais plus loin que la plus farouche des chèvres. Je dévale les pentes de rocailles dans la nuit la plus sombre, sans jamais tomber, sans jamais trébucher. Je suis nu. Les fougères que je traverse en trombe m'excitent la peau de milliers de petites incisions. Mais ces griffures n'entament pas mes forces, ni ne ralentissent ma course. J'apprends à être furieux et insaisissable. Désormais, je m'appelle Onisos. Et c'est ce nom que j'imposerai aux hommes. Je suis le lion chevelu des monts Zagros. Je suis né mort-né. Seul, au milieu des fougères et des pierres, je prends des forces pour mes combats à venir. Seul dans la nuit mésopotamienne, je pousse mes premiers hurlements de jaguar qui font fuir les animaux et trembler les lèvres des femmes. Je n'ai pas réfléchi à ma vengeance. Je ne sais même pas de qui je pourrais avoir à me venger. Il y a bien sûr ces hommes qui n'étaient pas de Tepesarab et qui sont venus ce soir de fête pour démembrer l'enfant. J'ai pensé poser des collets dans les collines et voir si l'un d'eux se laisserait attraper, mais il est probable qu'aucun n'est jamais revenu à Tepesarab ni dans les monts Zagros, et je ne veux pas perdre mon temps. J'ai couru longtemps dans les montagnes et j'ai laissé monter en moi le magnétisme des fauves jusqu'à me sentir fort et sulfureux. Et j'ai su alors, d'un savoir instinctif, que ce sont les femmes qu'on voudrait ma voix, que ce sont les femmes qui connaîtraient ma frénésie d'aliéné. Lorsque je me suis senti prêt, j'ai commencé à rôder autour des villages comme le font les chacals. J'ai hanté les faubourgs, là où, la nuit, les hommes n'osent plus s'aventurer. Et les villageois ont eu à s'habituer à ma présence. Ils ont commencé à parler de moi. Certains m'avaient aperçu un soir furtivement. Les récits se sont construits. Ils se sont demandé qui était cet homme à moitié nu qui venait les provoquer la nuit jusqu'aux frontières de leur village et si c'était un homme ou autre chose, bête ou esprit. Personne n'a songé au petit nourrisson écartelé. Lorsque j'ai senti que ma présence s'imposait à eux malgré eux, je me suis approché encore un petit peu, jusqu'à parcourir les rues et frôler les fenêtres de leurs abris. Et j'ai poussé mes premiers hurlements, longs et douloureux comme une femme qui accouche ou un animal qui meurt de faim et de fatigue. Et les cris les ont fait frémir. Les mères ont appelé à elles leur progéniture tremblante pour se les blottir contre le ventre, pour les serrer jusqu'à les faire leur. Les hommes ont verrouillé leurs portes. Ils auraient regardé par la fenêtre si leurs femmes, dans un élan de peur, ne les en avait empêchés. J'ai poussé mes cris. Chaque nuit, je revenais. Chaque nuit maintenant, je descends de mon refuge de bêtes sauvages. J'envahis les petites rues de leur village de misère et je hurle à la mort. Les femmes ont senti naître en elles au fond du ventre, dans les entrailles de leur corps, une chaleur incandescente. Cela ressemblait à la chaleur du vagin, mais cette brûlure nouvelle ne connaissait pas d'apaisement. Les femmes ne dorment plus et n'appellent plus à elles leurs enfants peureux. Elles tremblent et roulent des yeux de feu. Je continue. Elles sortent maintenant car l'appel est trop fort. Elles se lèvent dans la nuit, à l'insu de leur maison, et déverrouillent les portes. Elles sortent et je les emmène dans mes montagnes. Nous montons les petits sentiers de rocailles encombrés de fougères et la montagne se peuple de nos présences farouches. Tout le long de la montée, elles arrachent leurs vêtements parce que le tissu leur brûle la peau. Je constitue mon armée. Une horde de furies danse autour de moi. Elles sont nues et se saisissent les cheveux à deux mains, toutes ébouriffées, toutes écarquillées de jouissance. Elles dansent et font trembler les roches des monts Zagros. Comme il fallait manger, j'ai chassé certaines nuits. Les bêtes que j'ai égorgées, je les ai dépecées et j'ai offert ces lambeaux de chair rouge à la bouche de mes femmes. Leurs dents étaient baignées de sang et elles riaient de démence. Femmes de chair, femmes de foutre, elles dansent de tout leur corps. Leurs déhanchements saccadés ne cessent qu'à l'aube. Toute la nuit, possédées par le soufre et la sueur, elles tournent sur elles-mêmes, se griffent la peau de jouissance. Les hommes là-bas dans leur baraque de terre parlent d'orgie. Et ils n'ont pas tort. J'essaie de les contenter toutes, mais les forces vives s'épuisent parfois. Et je dois, devant leur appétit, les laisser se caresser de tous leurs doigts de femme et s'enduire les unes les autres de leur foutre, rougie par le sang des bêtes dépecées. Les hommes d'abord se sont révoltés, mais ils ne peuvent rien. Les hommes alors se sont ennuyés. J'ai laissé cet ennui les subjuguer complètement, les tenir éveillés, les alourdir dans leur journée, jusqu'à ce qu'ils n'aient plus le cœur d'aller travailler, jusqu'à ce qu'ils ne chassent plus ni ne mangent. Je les tenais par leurs femmes et je ne les lâcherai plus. Au fil des jours, les villages se sont appauvris et tous ces braves bergers sont devenus des crèves-la-faim. Une cohorte de va-nu-pieds, prêts à tout, affamés. Ils sont venus avec moi dans les montagnes, laissant tout derrière eux, leurs bêtes, leurs couches, leurs champs. Onisos a eu son armée. Un jour, un homme est venu dans nos montagnes. Il était habillé de fourrure et portait des armes que nous ne connaissions pas. Il a dit qu'il était envoyé par son roi et qu'il voulait me parler. Son visage était rouillé, son nez aplati. Il parlait mal. Quelques sons gutturaux parfois sortaient de sa gorge que personne ne comprenait. Mais nous l'avons écouté et nous avons compris qu'il venait nous annoncer que les Cassites s'étaient soulevés. Leur roi a décidé qu'il était temps qu'ils marchent vers l'Est et que leur royaume rayonne de 1000 conquêtes. Il a entendu parler de moi et il me fait demander si j'accepte de mêler mon armée de gueux à la sienne. Il lui manque peut-être encore quelques hommes. Ou peut-être pense-t-il qu'il est préférable de faire de moi son allié, je ne sais pas. Il veut prendre Babylone. Il veut porter la tunique d'or de Nabuchodonosor. Je dis à l'homme en fourrure que nous serons de la bataille, et je dis à mes camarades que nous allons descendre les monts Zagros et nous ruer dans la plaine du pays des deux fleuves comme une coulée de lave vivante. Je leur dis que les Cassites ne sont rien et que nous pourrions gagner cette guerre seuls s'il le fallait. Je leur dis que les murs de Babylone vont trembler. Nous sommes tous descendus, femmes, hommes et enfants, tous avec des armes de fortune. Avec la rage qui brûle les gencives, nous avons marché sur Tepemoussion, la première ville du pays des deux fleuves. Nous sommes descendus de nuit, sans torche ni armure, avec nos habits de gueux, en poussant des cris de bête. Et nous avons pris Tepemoussion. Je me suis travesti pour l'occasion, pour que l'on ne me prenne pas pour un de ces grands conquérants superbes. J'ai peigné mes cheveux, comme le font les femmes, et j'ai mis sur mon visage les couleurs qu'elles mettent pour charmer les mâles. J'ai le visage fin, les traits efféminés, on dirait une vraie putain. Je conduis mon armée de va-nu-pieds, fier comme une prêtresse en rut sur mon âne. Je suis le seul à posséder une monture, les autres vont à pied. Je suis belle, mais je tue sans frémir. J'ai ordonné que l'on brûle, Tepemoussian. Je sais que le roi des Cassites ne sera pas content, mais je m'en moque. Je veux que tout le monde voie cette torche dans la nuit. Je veux que les guetteurs de Babylone réveillent leur roi bouffon et lui annoncent avec la voix qui tremble que Tepemoussian brûle. Je veux que Nabucodonosor sache qu'Onisos est descendu de ses montagnes et qu'il va le manger. Nous marchons sur Babylone. Babylone dorée, la grande butte à Languille, jardin suspendu, où les éléphants domestiqués par de sages esclaves caressent les seins des femmes du roi de leurs longues trompes parfumées. Babylone, violée par une bande de démons en guenilles. La bataille a duré 5 jours et 5 nuits. La première nuit, nous avons fait voler en éclats le mur d'enceinte extérieur. La deuxième nuit, nous nous sommes rués contre la porte de Marduk et la porte de Nerurta, et comme nous n'avions pas de bélier, c'est avec nos fronts que nous heurtions de plein fouet le bois clouté des deux battants têtus. Bien des têtes se sont fracassées, mais le bois s'est finalement fissuré et les portes ont cédé. La troisième nuit, nous sommes entrés dans la ville. Les soldats babyloniens avaient reçu l'ordre de se retrancher dans le palais royal. Ils nous ont abandonné leur ville avec les boutiques, les femmes, les enfants, les civils, les fontaines et des arbres fruités. Ils s'en sont remis à notre mansuétude, mais nous ne connaissons aucune mansuétude. J'ai mis le feu à chaque maison, tout brûlait, tout crépitait. Les femmes babyloniennes se sont mêlées aux nôtres, elles ont à leur tour ébouriffé leurs cheveux et retroussé leurs tuniques. Les hommes, nous les avons égorgés. La quatrième nuit, nous avons attaqué le palais de Nabucodonosor et les jardins suspendus sur les bords de l'Euphrate. J'ai lancé toutes mes femmes et tous mes gueux dans la bataille, et j'ai percé les flancs de mon âne pour qu'il aille plus vite qu'une traînée de feu. Ils nous attendaient du haut de leurs murailles de marbre, tous les guerriers babyloniens retranchés, et ce fut un cyclone de flèches. Nous n'étions pas armés, mais nous étions innombrables. Ils ont fait périr des centaines et des centaines des nôtres, mais sans parvenir à endiguer l'océan. La cinquième nuit, j'ai déambulé dans les couloirs du palais de Nabucodonosor, seul, et j'ai su alors que j'avais vaincu. Il y avait tant de cadavres, tant de corps, qu'il était impossible de dire qui était babylonien, qui était cassite et qui n'était rien. J'ai pris Babylone. 1 million de petites incandescences ont réchauffé cette nuit suave, et le feu de la perle de l'Euphrate a dû se voir jusqu'en Grèce, et bien au-delà encore. Mon armée est décimée. Le roi des Cassites a toujours pris soin de me laisser charger en première ligne. Il croit avoir gagné, il croit être indomptable et terrifiant, mais il se trompe. Car le nom maudit, le nom que les femmes de Mésopotamie désormais prononcent en tremblant, c'est le mien. Je n'ai plus d'armée, mais j'ai gagné ma première bataille. Onisos s'est essayé à la guerre avec une armée de femmes et de vauriens, et Onisos a fait tomber Babylone, le joyau de l'Euphrate. Coup d'essai, coup de sang, coup prophète. Thank you. J'ai longtemps détesté les villes. Babylone a été la première. Aujourd'hui, je regarde New York et je me rends compte à quel point cette cité me ressemble et à quel point j'y suis bien. Dans le quartier chinois, d'étouffantes odeurs sortent par nappes pesantes des cuisines. Ça sent le sushi et le brocoli. 4 ou 5 chats se disputent une tête de poisson crevé. Les Italiens fument de petites cigarettes dans la rue. Ils ont sorti 3 chaises en bois et se prélassent en maillot de corps. Les Chicanos dansent sur une musique qui s'échappe de la voiture garée en double fil. Ils parlent fort, se signent et lancent des malédictions. Le monde est là, le monde entier entassé à New York, comme à Babylone autrefois. Et je comprends, en contemplant cette station de métro fangeuse, ses bruits grouillants et ses grandes avenues d'asphalte, que Babylone était semblable à cette ville et que j'aurais aimé Babylone. Mais j'étais trop jeune encore, il me fallait une ville à brûler. Je ne ferai pas 2 fois la même erreur, je ne détruirai pas New York. Je vais me faire connaître et j'en serai bientôt le maître. Car cette ville est faite à ma dimension. Elle grouille, comme moi. Tu écoutes mes récits sans rien dire, en buvant de temps à autre un peu de cette bière que je t'ai offerte. Tu écoutes et tu dois te dire que je déteste les hommes. Mais si c'est le cas, laisse-moi te dire que tu te trompes et que me prêter une telle haine est injuste. Babylone était tombée. Et rester auprès du roi des Cassites ne m'intéressait pas. Je ne voulais pas le voir plus longtemps étaler le bonheur satisfait d'une victoire dans laquelle, je le soutiens, il n'était pas pour grand-chose. J'ai déambulé encore un peu dans les jardins suspendus et le long des immenses couloirs du palais royal. J'ai regardé tous ces corps de femmes qui étaient mortes dans l'enthousiasme que j'avais provoqué. Je n'ai pas essayé de les compter, mais ces heures que j'ai passées en silence à marcher au milieu des miens étaient une sorte de dernier hommage que je leur rendais. Puis je suis descendu vers le sud, j'ai repris mon âne et j'ai voyagé 4 jours et 4 nuits en direction de Our. Une peine immense m'étreignait que je ne distinguais pas et qui me pesait. Je pensais à Ino. Mère chérie, je n'ai connu ta présence que quelques heures. Je me souviens à peine des traits de ton visage, mais le grain de ta voix fait à jamais résonner mon cœur comme un archet de crin. Ino, ce soir, sans que je sache d'où cela me vient, la certitude de ta mort me fait verser de grosses larmes océanes. J'ai toujours su que je ne reviendrai pas à tes Pessarabes et que jamais je ne viendrai frapper à la porte de la maison de terre. Mais il restait malgré tout l'idée que tu vivais et que parfois, par des nuits semblables à celles où tu m'expulsas hors de toi, tu pleurais pour ton enfant. Sur la route de Our, la tristesse qui m'étreint m'annonce que tu es morte. J'ai chevauché 4 jours et 4 nuits. C'est dans les faubourgs de Our que j'ai rencontré Proskumnos. Je traversais ces rues puantes de boue, et c'est plutôt la propreté marbrée des rues pavées de la cité qui me répugne et fait naître en moi de furieux désirs pyromanes. Un attroupement fiévreux me bloqua subitement la route. On criait de partout, la foule se pressait. Bruit de bagarre et de lynchage, jubilation féroce des hommes contre les hommes. Je me fends un passage dans la tourbe et les brigands. Un homme est là qui crie et gesticule. Il fait de grands moulinets de ses bras et vomit d'ignobles injures. 3 paysans l'encerclent qui veulent le frapper et le faire saigner. Il est ivre mort. Pour répondre à leurs menaces, il se débraguette et veut pisser sur ses assaillants. Les paysans profitent de l'instant pour le saisir et le rouer de coups. Je sors un couteau, encore tout ensanglanté de mes combats babyloniens, et je hurle qu'on laisse le pauvre bougre en paix. Les 3 peureux hésitent, me regardent avec méfiance et finissent par s'incliner. Ils crachent une dernière fois sur l'ivrogne, qui rigole maintenant, dans une petite flaque de sang, et s'en vont. C'est comme cela que j'ai rencontré Proskumnos. ivrogne superbe, voleur furieux et ignoble bonhomme. Nous nous sommes liés d'amitié. Il avait été esclave et avait assassiné son maître un soir de beuverie et de haine. Nous avons quitté Our le lendemain de notre rencontre. Sur le chemin, voyant la profonde tristesse qui me tenait toujours, il me questionna sur mon mal. Je lui ai parlé d'Ino, et c'est là que nous avons fait notre pacte. Proscumnos connaissait le chemin du pays des morts. Il m'assura qu'il savait où était l'entrée et comment faire une fois dans le labyrinthe pour ne pas se perdre. Nous avons fait un pacte. Il me livrait son secret et je devais, une fois revenu, lui accorder mes faveurs. Proscumnos, le sodomite, me proposa son marché et j'acceptai. Nous sommes partis de Our par la porte ouest et nous avons fait chemin vers l'Arabie à travers le royaume araméen, à travers le grand désert de sable infatigable. Je ne me souviens plus combien de temps dura ce voyage. Nous étions deux petits points têtus, perdus dans le désert. Un jour, Proscumnos a arrêté sa mule et m'a dit qu'il n'allait pas plus loin que j'étais arrivé. Il m'a dit qu'il allait faire son campement ici, que je n'avais qu'à attendre la tombée de la nuit et marcher jusqu'au-delà de la dune qui projetait sur nous son ombre suave. Qu'au-delà était l'entrée. Il me dit comment je pourrais faire pour pénétrer en Hadès et les voies qu'il fallait emprunter pour ne pas s'y perdre. Il m'a dit encore que lui s'arrêtait là, qu'il m'attendait, et qu'il ne fallait pas que j'oublie le serment. J'ai laissé ma mule au campement de Proscumnos et j'ai marché jusqu'à la grande dune. Je ne dirai pas tout ce que je vis là-bas. Grottes et souterrains emplis d'ombres et de mâchoires. Pièces immenses, pleines de morts entassées depuis tous ces siècles passés. Et pièces immenses, encore vides pour tous les morts à venir. J'ai retrouvé mes femmes, encore chaudes du sang perdu à Babylone. J'ai retrouvé Nabucodonosor. Mais je n'ai pas pu croiser son regard car il était mort d'une pierre énorme écrasée sur le visage et on ne distinguait plus rien de ses traits, ni le nez, ni les yeux, rien qu'une crevasse de chair et de sang. J'ai retrouvé Ino, mais elle n'a pas pu parler. Et mes yeux pleuraient tellement que je n'ai pas distingué son visage. J'ai vu le pays des morts et ces millions d'alcôves creusées pour les urnes. J'ai vu tout cela, et mes yeux porteront à jamais le voile de ce pays d'ombres et de suaires. Je suis remonté à la terre et le soleil se levait. Harassé par cette nuit d'enfer, je me suis traîné jusqu'au campement. Mais j'ai retrouvé Proscumnos, tout froid, dans sa couche. Il était mort. De maladie, de fièvre ou de solitude, il était mort. Froid comme une statue de marbre. Pauvre Proscumnos, mon ami, mon camarade. Je n'ai pas oublié notre serment et je veux m'acquitter de ma part. Alors, au milieu de ce désert de sable et de rocailles, j'ai fait pousser un figuier. Car cela fait partie de ce qu'il m'a été donné de pouvoir faire à ma guise. Et lorsque le figuier a été haut et robuste, j'ai cassé une de ses branches, la plus longue et la plus solide, et avec elle, Proscumnos, j'ai rempli ma part de la promesse. Et le figuier sodomite du désert d'Arabie sera là encore longtemps pour dire que le serment entre Nisos et Proscumnos n'a pas été rompu. Mais je suis seul à nouveau. J'ai laissé le sable recouvrir lentement le corps de mon ami, et je suis parti sur mon âne dément vers l'ouest, jusqu'à cette mer de sang qui clôt le désert. Et comme j'avais chaud d'avoir tant voyagé, comme j'avais chaud de n'avoir rien bu pendant tant de jours passés sous le feu du soleil, j'ai abandonné mon âne à sa propre fatigue, et je me suis plongé dans la mer rouge. L'eau sur mon corps a lavé les taches de sang séché et les rigoles de sueur. L'eau sur ma peau a étanché la soif de mes muscles et j'ai bu par tous les pores de ma peau. J'avais tant de sang sur moi de temps de bataille que j'ai dû laisser derrière moi un long filet sombre. J'ai nagé jusqu'aux rives de l'Égypte. J'ai nagé du bonheur de n'être plus souillé par tant de saleté. Je suis arrivé à Napata sur les bords du Nil, où les hommes ne connaissaient pas encore mon nom et n'avaient aucune raison de me craindre. J'ai été jusqu'à Napata, et pour la première fois de ma vie, il m'a semblé être loin de tes Pessarabes et de cette nuit d'écartèlement et de cris. Sur les bords du Nil, je crois, j'ai été heureux. Aujourd'hui, je repense à cette vie de fuite et de poussière, à cette vie d'essoufflée que j'ai menée, sans jamais pouvoir m'installer nulle part, car partout où j'allais, des hommes prenaient les armes pour me combattre et me chasser. Je repense à cette vie qui ressemble à la longue charge d'un taureau. Et je peux dire que c'est sur les bords du Nil que j'ai connu les instants paisibles et lumineux qui font de la vie d'un homme, parfois, un pari gagné. Les hommes d'Anapata et dans chacune des villes que j'ai traversées par la suite avaient cessé de me regarder avec la haine du corbeau. Ils ne se regroupaient pas en milices vociférantes, proférant qu'il fallait traquer la bête et ne cesser que lorsqu'elle aurait quitté leur terre et abandonné leur femme. Je me souviens de ce pays de sable et de répit. J'ai descendu le Nil, suivant chacune de ses boucles, chacun de ses coudes, marquant une encoche sur mon bâton à chaque nouvelle cataracte. Je me souviens des eaux limoneuses de ce grand fleuve de tourbe jaune. Connais-tu l'Égypte, camarade? Connais-tu Soleb, Kalabcha, Kom Ugo et Edfou? Dans cette ville où nous sommes, toi et moi aujourd'hui, il n'y a rien qui évoque les couleurs de ce pays. Rien que je puisse te montrer du doigt en te disant que là-bas, les choses sont identiques. Tout là-bas résonne d'un calme souverain que ne vient interrompre que le bruit froissé des feuilles de palmiers qui s'entrechoquent sous le vent du soir. Les hommes travaillent aussi là-bas toute la journée et sous un soleil intraitable. Ils bêchent et retournent la terre, mais tout est teinté de lenteur et de sérénité. J'ai souhaité que mon voyage égyptien ne cesse jamais et que le Nil soit un fleuve infini qui parcourt la terre de mille et une petites courbes. Qu'aucune vie humaine ne suffise à épuiser cette promenade. J'ai souhaité que le Nil soit le Léthé d'Orient et que je puisse m'annihiler dans ses eaux plates, oubliant mes blessures et mes haines, oubliant mon nom et Babylone. J'ai souhaité m'immerger tout entier dans le fleuve de la tête aux pieds et ressortir sur l'autre rive plus vierge qu'un enfant, sans souvenir et sans entaille. Kalabcha, Kom Ugo, Edfou, Tel Al-Amarna. Je marche sur les rives du Nil, je marche et mes pieds s'enfoncent dans le sable mouillé de soleil. J'ai passé des 5 cataractes, le tropique du Cancer et les nécropoles de Louxor. J'étais seul et je jure que je n'ai rien fait que marcher, saluant peut-être parfois d'un geste humble de la tête ceux que je croisais et qui labouraient sur le bord de la route des champs immergés. Mais je n'ai rien fait. Et pourtant, après Abydos, je me suis aperçu qu'un nuage de poussière me suivait. Je me suis retourné et j'ai attendu pour voir s'il s'agissait de l'escorte de quelques pharaons. Mais c'était une horde silencieuse de femmes empoussiérées que j'ai vues arriver. Et d'aussi loin qu'elles m'ont reconnu, elles se sont arrêtées à leur tour, nous ont approché plus avant de leur dieu de chair. Je les ai aimées comme j'ai aimé les femmes mortes à Babylone. Elles étaient mes fidèles, les pieds meurtris par la marche, la gorge sèche et les yeux rougis de soleil. Elles étaient mes misérables femmes. Elles avaient abandonné leur village pour suivre cette silhouette chevelue qui était passé sur la route. Je comprends aujourd'hui, sur les bords du Nil, que je suis Onisos et que cela ne peut s'effacer. Toutes ces femmes me le rappellent. Alors, à Abydos, je me suis arrêté. J'ai fait un énorme feu sur les bords du grand fleuve Pharaon et j'ai invité mon armée de princesses en haillons à venir danser et rire. Les tambours ont résonné, les pas frappés sur le sol ont fait frémir le Nil de mille petits clapotis. Nous avons hurlé, sué, chanté, saigné et crié encore et encore. Chacun de nous brandissait une branche de figuier car chacun de nous était en feu. Le sable du désert égyptien a crépité de dizaines de milliers d'étincelles et le son de nos cris gutturaux et bestiaux se sont entendus jusqu'au bord de la Méditerranée. L'incendie d'Onisos a repris. Le long voyage sur les bords du Nil, ces heures passées à arpenter l'Égypte de Napata à Abydos, ont été les seuls instants de ma vie où j'ai pu me soustraire à l'incendie, les seuls instants où je ne fus qu'un homme. Panthée régnait alors sur Akhétaton. Il venait à peine d'accéder au trône vermoulu de son père. Il était jeune et arrogant, et le soleil n'était pas une assez grande assiette pour ses beuveries royales. Il était jeune et encore beau, car aucune bataille à ce jour ne l'avait meurtri dans sa chair. Corps imberbe de puceaux sacrés. Ses longs cheveux blonds étaient tressés plusieurs fois par jour par des esclaves africaines, qui les couvrait de miel et de lait. Il entendit parler de nos fêtes et de nos orgies, car tout Akhétaton résonnait maintenant de mon nom. Sa curiosité l'enflamma. Il ne pensa plus qu'à cela. Beau Panthée aux lèvres douces, beau mignon, je ferai saigner tes lèvres si tu souris devant moi. Il prit la décision de participer à l'une de nos cérémonies. Il fit venir ses servantes et demanda qu'on le travestisse en femme. Pauvre Panthée, tu as voulu être une belle putain, tu as tressé tes cheveux blonds et maquillé tes lèvres. Tu as cerné tes yeux de collyr et mis un collier à ton cou, des bracelets à tes poignets et à tes chevilles. Si tu m'avais demandé, Panthée, avec la déférence qui convient à mon rang, si tu m'avais fait des libations en me suppliant d'assister à nos danses barbares, peut-être aurais-je accepté, mais tu as voulu te travestir, et c'est une façon de te moquer de moi. Je sais ce qu'est une femme, Panthée. Tu es venu ce soir-là, à l'endroit où nous avions installé notre feu, sur les collines qui surplombent le Nil. Personne ne troublait cette nuit épaisse que le lent cours du fleuve, quelques vols de chauves-souris et les vibrations sourdes et électriques de nos tambours. Tu es venu et tu t'es mêlé à la horde de mes femmes. Tu regardais, hébété, ces femmes qui ruisselaient, criaient et se touchaient à la chaleur des torches de scandaleuses caresses. Et j'ai bien vu tout de suite, Panthée, qu'il y avait là une femme qui ne dansait pas et ne criait pas. Une femme dont les cheveux n'étaient pas ébouriffés, ni les yeux révulsés. Alors je t'ai regardé scrupuleusement. Tu n'avais, à l'encontre de tes compagnes, aucun désir d'étreinte. Ton corps était tout lisse et immaculé. J'ai su que tu étais travesti. J'ai su que tu étais Panthée, mais je n'ai rien dit. Je me suis levé et je suis venu danser avec toi, et tu as bien été obligé de danser. J'ai versé une cruche de vin sur tes épaules et j'ai fait mine de ne pas m'apercevoir que tu n'avais ni hanches ni seins, mais les mains larges d'un homme. Toutes les furies maintenant nous entourent, toi et moi, Panthée, et je sens la chaleur du grand bûcher qui irradie ma joue. J'ai fait mine de ne rien voir, et tu n'as rien dit, mais la peur t'avait saisi, tu tremblais, peur africaine des ciels d'étoiles, lorsque les étincelles du brasier montent dans le vent et dessinent en l'air la silhouette des morts. Je t'ai pris, Panthée, comme un sauvage. J'ai pénétré ton corps serré et je sentais que la peur te tenait. Et lorsque j'ai joui dans ton cul de putain fardé, d'un petit geste de la main, j'ai fait signe à mes furies qu'elles pouvaient te tuer. Toutes ces furieuses se sont jetées sur toi comme un essaim d'abeilles. Elles aussi, depuis longtemps, avaient senti le mal et attendaient mon signal. Elles se sont jetées sur toi, toutes griffes dehors. Elles t'ont lacéré la peau, crevé les yeux et coupé le sexe que tu cachais, cochon, sous tes drapés femelles. Elles ont dansé pieds nus dans tes viscères. Des morceaux ont été jetés au bûcher dans un grésillement suffocant. J'ai joui plus de 20 fois cette nuit-là et dans 20 femmes différentes. Pour sceller cette nuit incomparable, j'ai fait pousser sur cette colline nocturne des pieds de vigne sauvage. Ils ont poussé maintenant, et leurs troncs doivent être plus larges qu'un bras d'homme. On m'a dit que le vin qu'ils donnent est acide. Je ne m'en étonne pas. Les plantes se sont nourries de ton sang et de ta sueur, Panthée. Il y a dans ces raisins du Nil quelque chose d'un vin carnivore. Nouveau meurtre, nouvelle fuite. Après l'assassinat de Panthée, le pays fut en révolution. On m'accusa de tous les maux. Le Nil débordait, inondait les champs et les villages. On dit que c'était la malédiction d'Onisos. Les sauterelles rongeaient ce qu'il restait de récolte. On cria qu'il fallait à tout prix me chasser. Les peuples se liguèrent. Plus de 10 armées improvisées furent lancées, toutes à ma poursuite. Je cours, sans souffler, sans me retourner, sans penser à ces hordes de gens en armes derrière moi. J'ai traversé le pays des Moabites, à l'est de la mer Morte. J'ai vu sur ma gauche, dans ma course, la forteresse de Massada, en plein désert de roches. J'ai couru jusqu'au mont Nebo, laissant derrière moi une grande traînée de poussière qui assura mes ennemis de ma fuite. J'ai couru au-delà du mont Nebo jusqu'à Jéricho. Mais il n'était pas encore temps de m'arrêter. J'ai couru jusqu'à atteindre les monts Guelboé, puis le mont Tabor. Et c'est là seulement, arrivé en Galilée, c'est là, sur les hauteurs fraîches du mont Tabor, que je me suis arrêté, que j'ai repris mon souffle, et que je me suis retourné pour mesurer la distance parcourue. Les bords du Nil étaient perdus. J'avais fui. Et je sais aujourd'hui que mes heures les plus heureuses sont restées là-bas, embourbées comme un tronc d'arbre sec dans la tourbe limoneuse du grand fleuve jaune. Je vois que ton attention se fait plus précise et que tu me fixes maintenant avec de petites pupilles d'aigle. Est-ce parce que tu viens juste de constater combien mon visage a changé et combien il est plus ferme et plus jeune que lorsque nous avons commencé à parler ? Je t'avais dit, et j'avais bien vu alors que tu ne me croyais pas, que parler me ferait rajeunir, et que si tu me laissais finir mon long récit, mon corps serait à la fin plus vigoureux que le tien. Si bien que, quand nous nous lèverions pour nous séparer, tu serais vieux, car le temps, tandis que je parle, continue sur toi son travail de termite, et je serais indestructible. Je ne suis pas resté longtemps dans la fraîcheur du mont Tabor, quelques nuits à peine. J'ai chassé, car je n'avais pas mangé depuis cette nuit où nous avions des membres épantés. Mais la société des hommes me manquait, et je partis pour Akko. J'accepte de raconter la rencontre de Akko. J'accepte parce que jusqu'à présent j'ai tout raconté, et que taire cet épisode serait mentir. Mais fais bien attention à être respectueux de chacune de mes paroles, ou je te tuerai aussi sûrement que j'ai tué Panthée. Akko était riche et opulente. Le commerce avec les Phéniciens était prospère et le port jamais ne désemplissait de navires lourds de tissus, de céréales et de bétail. Le roi de Akko se nommait Marador et sa fille unique, Séléna. Je n'avais jamais pensé qu'il me serait donné de connaître l'emprise d'une femme sur mes sens. Que cette force avec laquelle je faisais se cambrer mes furies pourrait un jour se retourner contre moi et que je geindrais à mon tour comme un homme blessé au ventre dans la boue d'un faubourg. Je dois être un fort mauvais dieu qui saigne et hurle comme les hommes. Je dois être un fort mauvais dieu qui bande et rit comme les hommes. J'ai tout fait pour qu'elle soit ma femme. J'ai saccagé les faubourgs de la ville, créant dans ce lacis de ruelles un tel trouble que les soldats du roi ont dû venir et remettre l'ordre et que dans la panique, j'ai pu atteindre le palais. J'ai fait pousser en deux nuits une vigne vierge qui a tapissé les murs des appartements de Séléna et il m'a été possible de rentrer dans sa chambre par la fenêtre. J'ai tué des hommes qui me gênaient. J'ai fait en sorte que les femmes de Akko connaissent la fièvre d'Onisos et qu'elles se réunissent toutes au beau milieu de la nuit sur les places et les avenues, se masturbant avec des branches de myrte. J'ai mis la ville sans dessus-dessous pour que personne ne m'importune. Et chaque nuit, lorsque je voulais pénétrer dans la chambre onctueuse de Séléna et avoir la nuit à moi pour la faire jouir de mille évanouissements, je mettais le feu à une aile du palais, les cuisines ou les appartements de Marador, pour qu'aucun ne songe à venir nous déranger. Séléna ne disait rien. Elle veillait sur mon corps comme une nourrice sur le nouveau-né qui lui tète le sein. Et nous faisions l'amour alors que partout autour de nous, les hommes se battaient contre les crépitements inattendus d'un nouvel incendie et les cris affolés des esclaves éveillés en pleine nuit par des lueurs suspectes couvraient nos hurlements scandés par la vigueur des muscles. J'accepte ta voix, Séléna, comme seule musique pour me faire danser. J'accepte tes deux seins comme seule vague pour me faire chavirer. Encore aujourd'hui, où je suis un vieillard perdu sur le quai d'un métro new-yorkais, encore aujourd'hui, je ferme les yeux et ton corps ambré surgit dans ma cécité. Je me souviens de chacune de nos cambrures, de chaque murmure de ta chair. Et je donnerai la vigne et mon tirse, je donnerai mon magnétisme et les souvenirs d'Égypte pour connaître encore le syncope mouillé de nos décharges simultanées. J'ai passé trop peu de nuits là au creux de tes cuisses, dans l'immensité feuillue de ton vagin. J'ai sué de trop peu de secousses et vu trop peu tes lèvres frémir. Marador, effrayé par les hoquets que connaissait sa cité, consulta un devin chauve et courbé. On lui dit que chaque nuit, une bête immonde, mi-homme, mi-bouc, une bête à cornes qui puait le vin et la crasse, montait sa fille, et que de ses accouplements contre nature naîtrait un scarabée visqueux, quelque blatte géante qui ruinerait le pays. Ils nous tendirent un piège. Marador et les trois frères se mirent en embuscade et ils interrompirent nos étreintes en pleine nuit. J'ai essayé de me débattre, mais j'étais nu. J'ai essayé de griffer et de mordre, mais ils étaient en armes, couverts de plaques de cuir, et je n'ai pu entamer leur chair. Séléna, j'ai vu ton père te saisir par les cheveux et d'un geste sec et coupant ouvrir ta gorge à mes yeux. Il a préféré te tuer, Séléna, plutôt que de t'entendre hurler mon nom. Et le sang sombre a lentement empli les plis du lit. Rage de l'homme et rage du bouc dans une dernière nausée musculaire, j'ai arraché le bras qui me tenait à terre et j'ai bondi à travers la fenêtre. Chassé de cette nuit mauvaise par des milliers de torches que le roi avait ordonné d'allumer dans toute la ville, je cours à nouveau et je suis un chien, Séléna, un chien qui boite et baffe de rage sur la route cabossée de Akko. Je fuis dans les collines comme un gros insecte rampant. Je maudis ces hommes et leurs bras de tueurs. Je maudis cette ville et j'en ferai ma Carthage. Marador avait vaincu, mais sa morgue n'était pas encore étanchée. Il a fait des funérailles à Séléna, l'enfant de porc, fruit blé d'une putain et d'un chien bâtard. Il a organisé dans toute la ville deux jours de deuil pour pleurer la perte de sa fille chérie. J'ai su que l'occasion de ma vengeance m'était offerte. Et je suis revenu travesti en vieille femme. Je suis revenu et je me suis mêlé à la foule des badauds qui se pressaient autour du cortège funèbre. Ils étaient tous là, le souverain aux mains de sang et les trois frères. Tous là avec leur suite, les hommes de Akko dans leurs habits de parade. Je me suis concentré jusqu'à réunir toutes mes forces d'homme et de dieu. Et j'ai hurlé d'un long cri de bête blessée pour faire monter dans le corps des femmes une sève furieuse et pour que Marador sache que j'étais là. En un éclair, toutes les femmes qui étaient dans le cortège sont sorties du rang. et toutes celles qui étaient dans la foule se sont précipitées, comme une lame de fond, vers la lente troupe respectueuse. Cercueils, hommes, chevaux et gardes, tous ont disparu dans la marée incontrôlable. La femme égorgée son époux, la maîtresse l'amant. Au cri de surprise du roi et des siens a répondu l'immense cri de rage libéré par mon armée. Il n'est pas impossible que Selena elle-même se soit levée et se soit jetée sur son père, agrippée par ses jambes et ses bras comme un insecte, lui dévorant le nez et le visage de sa bouche affamée de morte. Je ne suis pas resté. J'ai vu Marador et ses trois fils périr dans cette nuit furieuse, et cela suffisait. J'ai marché jusqu'au port, laissant derrière moi les cris étouffés de la bagarre. Le cercueil de Selena avait chaviré, et j'ai vu une dernière fois son visage livide me sourire pour cette vengeance sanglante. Akko a dû se réveiller quelques heures plus tard, et toutes mes femmes ont dû revenir à elle, toutes étonnées d'avoir la bouche pleine de sang. La route du cimetière devait être un tas de chair indistincte. Je ne sais pas s'il y eut des rescapés, mais ils ont dû passer plusieurs semaines à enterrer leurs morts, à moins qu'ils n'aient décidé de quitter simplement cette ville maudite et qu'ils aient mis le feu aux murailles d'enceinte, faisant de cette opulente ville le plus grand bûcher de la Méditerranée. J'ai marché jusqu'au port, je suis monté sur une barque et j'ai quitté la terre de Selena. Et chaque pagaie qui plongeait dans la mer semblait fouiller et retourner les blessures de mon âme. Regarde cet homme sur le quai d'en face. Regarde-le, il est là depuis des heures. Et ses yeux sont vitreux. Il sue alors qu'il ne fait pas chaud. Il claque des dents malgré cet imperméable dans lequel il a emmitouflé son corps. Il est tout entier noué à son vice, tout entier dans l'attente de ce qu'il délivrera de sa fièvre. Regarde-le maintenant. Un homme est passé, qu'il a payé. Un homme qui n'est pas son ami, car il ne l'a pas salué. Il l'a juste payé, et l'autre lui a mis au fond de la main ce qu'il attendait depuis toute la journée. Il est soulagé maintenant, et il couine d'impatience comme un enfant. Ses yeux sont enflammés, il sourit bêtement. Il se pique le bras sans se soucier des gens qui passent. Il se pique les veines et injecte en lui cette liqueur qui le fait grimacer de plaisir et lui révulse les yeux. Une sève chaude emplit son vieux corps sec, une sève qui le consume et le vide. C'est une ombre affamée, secouée de spasmes et de tremblements. Il est mort, mais jouit encore. Regarde cet homme. Si j'avais eu, comme lui, la possibilité d'acheter ce qu'il achète, si j'avais pu, comme lui, me brûler la cervelle par les veines, j'aurais pris, moi aussi, cet acide. Et je me le serais planté au creux du bras. Mais j'étais seul sur une barque, et déjà calciné par d'autres feux. C'est sur cette barque que j'ai commencé à vieillir. C'est sur cette barque que mon visage a connu ses premières fatigues. Et si je rajeunis maintenant au fur et à mesure que je te parle, s'il est vrai que lorsque j'aurai fini mon histoire, mes mains ne trembleront plus, s'il est vrai que ma tête déjà a cessé de dodeliner, je sais bien que les blessures de Akko jamais ne disparaîtront. Je dois être un fort mauvais dieu qui chavire parfois et se ride. Je ne me souviens plus si j'ai ramé ou si j'ai dérivé. Je ne me souviens plus si mon corps a eu cette force encore de lutter contre la mer. J'ai vu l'île de Chypre se tasser devant moi. Je n'ai pas voulu y aborder. De toutes mes forces, je n'ai pas voulu, car ça aurait été comme de plonger un homme en feu dans une mer d'essence. Alors, il est bien possible que j'ai ramé pour éviter Chypre et ses musiques voluptueuses. J'ai dérivé longtemps encore, longtemps, jusqu'à un jour atteindre l'œil du cyclone, le grand tremblement de terre de la Méditerranée, la cité d'Ilion. Je suis arrivé sur les côtes troyennes en pleine nuit. J'avais entendu parler de cette guerre de rage et de fureur. Car tout le monde savait, de Babylone à Napata, de Jéricho à Akko, tout le monde savait qu'à Troie, des hommes mouraient depuis 10 ans. Je suis arrivé de nuit et j'ai abandonné ma barque. J'ai longuement regardé les remparts d'Ilion dans l'obscurité. Et je ne savais toujours pas si j'allais les défendre ou tenter de les mettre à bas. Mais la décision était née en moi de prendre part à ce combat, de choisir un camp et de m'y tenir, de subir le sort de ceux que je choisirais comme compagnons. J'ai choisi Ilion, peut-être parce que depuis toujours je préfère l'humilié à l'arrogant, peut-être tout simplement parce que je voulais mourir et qu'il n'y avait pas meilleur endroit qu'Ilion pour cela. Je me suis glissé au travers des tentes du campement achéen. C'était une véritable ville de toile avec du bétail, des filles de joie, des rues, des petites places et des champs même parfois. Un campement de plus de 9 ans. Je me suis faufilé à travers toutes ces baraques jusqu'à être au pied des murailles. Et pour les franchir, j'ai fait pousser à nouveau ma vigne vierge qui me sert d'échelle nocturne. Une fois au sein du camp troyen, je me suis fait connaître. Je n'avais plus de raison de rester dans l'ombre. On me mena à Priam. J'ai vu le sacré vieillard, plus courbé et noueux qu'un olivier nourri de rocailles. Et j'ai vu sa femme, Hécube, la ridée. Hécube, veuve d'un peuple. Et je n'oublierai jamais la tristesse altière de cette femme, sans apprêt ni bijoux, mais lumineuse. Elle m'a regardé longuement, et puis elle est descendue de son trône et m'a serré dans ses bras de vieille femme. Elle pleurait doucement. Elle m'a dit qu'elle pleurait sur ma peine, car, ajouta-t-elle, un homme qui choisissait ainsi le camp des vaincus devait avoir au fond du ventre une peine immense. Hécube, l'épuisée superbe. J'ai vu Hector et ses frères, j'ai vu Cassandre et Andromaque. Je les ai tous regardés longuement sans rien dire, et j'ai su que tout cela allait mourir, et même de quelle mort chacun d'eux périrait. Priam le vieux m'a annoncé que l'assaut des Achéens était pour demain. Plusieurs de leurs guetteurs les avaient prévenus quelques heures avant que je n'arrive d'immenses préparatifs dans le camp ennemi. Ils avaient même compté les hommes et les machines, et ils savaient maintenant avec certitude qu'ils ne pourraient pas faire face cette fois. Cet assaut-là serait le dernier. Ils étaient exsangues, mais aucun d'eux ne voulait se soustraire au combat. 9 ans de guerre et la défaite au bout. Priam ajouta que demain serait un jour de mort et qu'il fallait jouir de cette dernière nuit. Il demanda que l'on rende hommage à l'hôte que j'étais. On décida une fête dans le palais de Priam. Hécube et ses filles chantèrent et nous bûmes le doux alcool de l'oubli. Mais j'avais envie à mon tour d'offrir à ces hommes admirables un gage de mon admiration. Je me suis levé au milieu des convives et d'un geste de la main, j'ai fait cesser la musique et les chants. Je me suis mis bien au centre de la pièce pour que chacun puisse me voir et m'entendre. Et j'ai joué. Je n'avais jamais fait cela auparavant. Je ne sais même pas d'où l'idée a pu naître en moi. Je crois que c'est en contemplant le vieux visage d'Hécube que j'ai su ce qu'était le théâtre. Au milieu des Troyens, j'ai joué tour à tour Hécube, la mère meurtrie, Hector traîné dans la poussière, Cassandre enchaînée. J'ai joué pour eux et j'ai fait tous les rôles. Et tous ainsi ont pu savoir quelle serait leur mort de demain. Aucun d'eux n'a douté que ce que je jouais ce soir ne se réaliserait demain. Les Troyens ont découvert le théâtre. La veille de leur mort, j'ai joué la chute de Troie et le massacre incendiaire des Achéens. Tous pleuraient, mais les larmes de cette nuit avaient la douce saveur du soulagement. Et ceux qui pleuraient, pleuraient pour la femme, le père ou le frère. Et celui dont je mimais la souffrance disait aux siens de ne pas pleurer. Tandis que les Achéens s'échauffaient au dehors, les Troyens pleuraient cette dernière présence commune, cette dernière nuit avant les coups sur le corps et les pleurs dans le sable. C'était comme d'apprivoiser la mort et de partager une dernière fois la douce quiétude d'être ensemble. Et puis le matin est venu. Chacun était prêt. J'avais moi aussi recouvert mon corps d'une armure de cuir et pris les armes. Les hurlements barbares des Achéens montèrent du campement et envahirent le ciel encore rouge de la nuit. Ils étaient innombrables, une vague immense de piques et d'épées, une armée infinie de guerriers assoiffés. Le combat dura tant que vécut un Troyen. Les feux partout éclairaient les visages de lueurs démentes et on ne savait plus qui était allié ou ennemi. Aux cris des combattants s'ajoutaient les hurlements de nos femmes qui pleuraient les guerriers tombés. Et les cris guerriers sont devenus de moins en moins nombreux, de moins en moins nourris, car les hommes tombaient et ne se renouvelaient pas, tandis que les pleurs des femmes ne cessaient de croître et de gonfler, car à chaque minute, il y avait de nouveaux corps sur lesquels gémir. Corps transpercés par une lance, sectionnés par le glaive, percés par une flèche, brûlés par les flammes, écrasés sous les murailles effondrées. J'ai lutté moi aussi, mais il y avait trop d'ennemis pour mes coups. Les Achéens avançaient sans cesse et ils y ont tombé. Aucun des nôtres n'eut peur. Juste la douleur de ne pas mourir seul. Et moi aussi, je pleurais en me battant, je pleurais de voir autour de moi le sol jonché des corps de ceux que j'aimais. Mais les Achéens avançaient sans cesse et nous sommes morts. Le jour se lève et les gens déversés par vagues successives vont affluer à nouveau. Tout New York va s'ébruiter de mille petits étirements, des milliers et des milliers de réveils, horloges, clairons de caserne, radio réveil, sonnerie d'école ou réveil téléphonique vont sonner l'heure du branle-bas de combat. Et toi aussi, camarade, tu vas te lever, quitter ce quai sale et te fondre dans la foule du jour, car il faut bien manger, n'est-ce pas? Les premières odeurs de friture emplissent les restaurants de la sixième. Dans les cafés derrière les comptoirs, les machines comme des dragons d'acier expulsent des nuages de vapeur brûlante. New York se frotte les yeux et se secoue l'arête dorsale comme un cachalot d'asphalte et de verre qui s'ébroue avant la première plongée. Nous avons parlé toute une nuit, camarade. Maintenant, les métros font à nouveau chauffer les rails. Il est bientôt 7 heures. Et quand bien même nous voudrions continuer à parler, toi et moi, nous ne le pourrions pas, car les bruits des rames et ceux des milliers de pas qui, toutes les 4 ou 5 minutes, viendraient fouler le quai dans un vacarme de manifestations couvriraient nos voix et rendraient nos discussions impossibles. Je vais me lever aussi. Mes jambes ne tremble plus sous mon propre poids. Les mille petites entailles qui couvraient ma peau ont disparu. Il reste encore les rides de Hakko, isthme de tristesse qui découpe mon visage continent. Je vais me taire bientôt, car je ne veux pas rajeunir au-delà, mais garder toujours sur le visage le souvenir tailladé de Selena. Regarde New York, regarde tous ces visages. Les émigrés ont faim, grelottent de froid et de frustration, peuplades naufragées dans un pays de pluie et de vent, qui n'ont rien et crèvent d'envie de connaître à leur tour la fièvre des élus. Je vais me fondre dans cette ville que j'aime, parce que New York a été construite pour moi. Si j'étais à Paris, je me nicherais dans la goutte d'or. Si j'étais à Berlin, je ferais le Kreuzberg mon domaine. À New York, c'est Harlem que je veux faire venir, pour me mêler à tous ces nègres et ces négresses, tous ces parias que la ville essaie de cacher sans y parvenir, parce que j'ai en haine ces petits blancs qui se glottissent bourgeoisement les uns contre les autres dans des quartiers où les avenues sont propres et ombragées. J'ai moi aussi la peau d'ébène. J'ai vu dans les quartiers noirs la beauté svelte des femmes, et j'ai su immédiatement que c'était là mes femmes. Si tu en croises une un jour, camarade, si elle t'invite à la suivre et à lui faire l'amour, accepte sa fièvre et honore-la. Tu murmureras mon nom dans ses cheveux, vos corps se consumeront, et elle t'apprendra ce qu'est le suc musqué de la vie. Je pourrais te dire que je n'ai jamais été aussi fort qu'aujourd'hui, que mes compagnons n'ont jamais été aussi nombreux. Il suffirait que je le veuille pour que nos danses barbares reprennent, pour que les ghettos s'enflamment comme s'enflammèrent autrefois les rues de Babylone. Je pourrais te dire que je suis aujourd'hui le plus puissant des dieux, et cela est vrai, car mes hommes se comptent par millions. Je pourrais te dire que je suis Onisos, et que j'ai le pouvoir de magnétiser toutes ces femmes à nouveau, pour que la nuit ne soit plus ce qu'elle est, un œil mort, la bouche éteinte d'un moribond, pour que la nuit grouille et crépite, qu'on ne passe plus dans les rues sans entendre de chaque fenêtre, de chaque chambre, des cris secoués de jouissance. Le vagin des femmes pourrait couler à nouveau, océan de foutre, de larmes et de vin, je pourrais! Mais le monde m'a oublié. Qu'il ne pense pas m'avoir battu, car aucune bataille n'a été livrée. Le monde m'a oublié, peu m'importe. Je choisirai le jour où me rappeler à sa mémoire. Ce sera mon triomphe, et les tours colosses de New York se cabreront sous la puissance de mon rire. En attendant ce jour, de ces hommes et de ces femmes qui n'ont rien et ne sont rien, je suis le témoin. Onisos est celui qui les aime. Je n'ai ni or ni repos à leur offrir, juste le partage du regard émigré. J'embrasse cette foule de parias, et je connaîtrai bientôt le visage de chaque va-nu-pied de New York, de Paris et de Mexico. Et lorsqu'un des miens crèvera, comme ils crèvent tous depuis des milliers d'années, sans personne pour leur fermer la bouche, avec comme dernière odeur sur les vêtements et sur la peau la puanteur tenace de la rue, je me pencherai sur lui avant qu'il ne meure. Je prononcerai son nom à voix basse et je lui dirai qu'Onisos est là, qui le connaît et le voit disparaître. Onisos le Furieux de Laurent Godet, texte dit par Hubert Gignon. Musique originale Yves Dormois. Prise de son et mixage Philippe Bredin. Réalisation Jacques Taroni.